vraie prière, c'est dire les paroles de ton cœur à Dieu. Elles se font sur sa volonté et parole. La vraie prière, c'est se sentir aussi proche de Dieu, comme s'il était devant toi. La vraie prière signifie que tu as beaucoup à lui dire. Ton cœur rayonne comme le soleil. Tu te sens inspiré par la beauté de Dieu. Ceux qui entendent sont satisfaits. La vraie prière apportera à la fois paix et plaisir. La force d'aimer Dieu augmente la valeur d'aimer Dieu et ressentir. Tout cela prouvera que tes prières sont vraies. La vraie prière n'est ni formalité, ni procédure, ni récitation de mots. La vraie prière ne signifie pas copier les autres. Parle sincèrement et sois touché par Dieu. Si tes prières doivent être efficaces, les paroles de Dieu sont ce que tu dois lire. Et ce n'est qu'en priant au milieu des paroles de Dieu que l'illumination se verra. Manifeste par un cœur qui aspire aux exigences de Dieu, la volonté d'agir et la haine de tout ce que Dieu déteste. Et sur la base de ta connaissance, toutes les vérités que Dieu dit sont clairs. Tu as une foi forte, une façon de pratiquer cela seul est une vraie prière. Oui, cela seul est une vraie prière. La vraie prière apportera à la fois paix et plaisir. La force d'aimer Dieu augmente la valeur d'aimer Dieu et ressentir. Tout cela prouvera que tes prières sont vraies.